la loyauté. Le saint roi aimait tant la vérité que même envers les Sarrasins, il ne voulut pas faillir aux engagements pris à leur égard.